La Corée enregistre de grandes réalisations dans divers secteurs grâce au courant de la confiance en soi. Le chantier de construction de la première étape de la centrale de Danson a ouvert la brèche à l'extraction de la galerie des travaux pour livrer à la dernière étape les travaux d'installation des équipements énergétiques et du câble électrique. À la filature Kim Jong-suk de Pyongyang, une dizaine de fileuses ont accompli leur plan pour 3 et 2 ans et plus de 80 personnes ont achevé leur plan annuel. Le service de l'administration forestière de la ville de Kimtae, province du Hamgyong du Nord, a mis sur pied une serre de plants en forme de voûte permettant de produire à plus de 4 fois les plants d'arbres sur la superficie plus petite que les précédentes avec peu de main-d'œuvre. À la province du Hamgyong du Sud, l'usine de machines agricoles remorquées de Hamu a fabriqué l'appareil de traçage des lignes routières, alors que l'Institut de peinture près l'annexe de Hamu de l'Académie des sciences nationales a mis au point deux nouvelles sortes de peintures destinées aux lignes routières. Cette peinture lumineuse est caractérisée par la courte durée de dessiccation et la forte résistance d'adhésion.